C'est des coquillages. On entend la mer. Sur Radio Cresson. Radio Cresson. Bonjour. Radio Cresson. Radio Cresson et le studio de l'ENSAG accueillent aujourd'hui une émission entièrement préparée par les étudiants et les étudiantes du Master Urbanisme et Projet Urbain de l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine de Grenoble. Radio Cresson. Le son vivant. Bonjour Zélie. Bonjour à toi Elsa. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'épisode 10 de notre chronique Le son du vivant. Aujourd'hui, on se retrouve pour partager un moment ensemble autour d'une balade sur les berges de l'Isère. Pas d'inquiétude, on ne vous emmène pas en rando, mais bien dans une balade auditive. Alors détendez-vous, allez chercher un thé, un café, mais surtout, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter. Le paysage, qu'est-ce que c'est ? Vaste question. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous révéler un paysage ordinaire sous le prisme de la sonorité et du sensible. La vue est aujourd'hui notre sens le plus aguerri. Elle nous permet de voir, d'observer, de contempler l'environnement qui nous entoure. Mais pour observer le paysage, il ne suffit pas de prendre en photo, mais d'être tout entier dans le paysage. Parmi nos cinq sens pouvant nous faire lire un lieu, nous nous concentrons aujourd'hui sur l'ouïe. Soyez prêts à écouter attentivement cette musicalité urbaine et naturelle qui nous parle tous les jours. Pour cette émission, nous allons accueillir cinq créatrices qui ont chacune mené un travail sensible sur les sonorités autour des berges de l'Isère à Grenoble. Ces femmes proviennent de milieux professionnels différents et ont chacune quelque chose à nous transmettre de par leurs expertises et leur vécu. Nous vous proposons alors de commencer ces découvertes sonores avec la création de Chloé, Lisa et Eléa. Celles-ci sont réalisatrices de documentaires animaliers. Chloé est d'ailleurs ici avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Nous te proposons d'inviter nos auditrices et auditeurs à découvrir votre dernier reportage où vous partez à la rencontre de la biodiversité et plus particulièrement des castors aux abords de l'Isère. Chères auditrices et auditeurs, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter. Le son. Parfois, je me demande si la nature ne nous parle pas plus qu'on ne l'écoute vraiment. Je marche souvent le long de l'Isère, et chaque fois, l'eau, les arbres, les traces laissées sur les berges me rappellent qu'un monde naturel avance à son propre rythme, malgré la proximité avec l'agitation de la ville. Dans cette confession, le son des pas se mêle à celui des feuilles et du courant de l'eau. À Grenoble, l'Isère est une présence vivante, parfois tendre, parfois sauvage. À ses abords, certains habitants reviennent, d'autres disparaissent. Mais il y en a un qui façonne les rives depuis toujours, le castor. L'écologue Madeleine Chapy nous en dit un peu plus. Le castor, c'est un ingénieur naturel, c'est-à-dire que quand il construit un barrage ou qu'il taille un arbre, il ne fait pas que modifier le paysage, il crée des habitats. Des zones humides naissent, des poissons trouvent refuge, des insectes réapparaissent. Sur l'Isère, notamment, on observe clairement son rôle positif. Il ralentit l'érosion, il retient l'eau, il apporte de la biodiversité. Le castor nous rappelle que l'équilibre d'un fleuve est toujours une histoire collective. Et en classe verte, je crois qu'on était en CM2, on était allé voir les barrages On les voit pas souvent, mais de temps en temps, on les entend. Alors peut-être que la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que la nature nous donne, mais plutôt qu'est-ce qu'elle nous raconte. En éveillant vos sens sur les rives de l'Isère, là où la nature reprend ses droits et où la ville résonne en arrière-plan. Vous pourrez apprécier la mélodie de la biodiversité, que ce soit l'eau qui s'écoule ou encore le chant des oiseaux. Les plus chanceux croiseront peut-être les castors grenoblois. Sinon, leurs traces parleront pour eux, comme un murmure du vivant qui nous échappe. Cet audio est très doux. Il donne envie de prendre le temps, de prendre une grande bouffée d'oxygène et d'écouter ce qui nous entoure. Justement, vous nous emmenez au plus proche de l'Isère, mais où êtes-vous allé exactement ? J'ai cru comprendre qu'on était au croisement entre urbanité et nature, voire même, si j'ose dire, qu'on était quelque part perdu entre les sons anthropiques créés par l'homme et ceux écologiques du vivant non humain. Oui, exactement. Notre objectif était de regarder et surtout d'écouter l'Isère et ses abords autrement. Nous avons donc arpenté le centre-ville grenoblois. Certains extraits ont été pris directement là-bas. Nous avons ensuite longé l'Isère en la remontant via les cheminements piétons qui appartiennent au faubourg de la ville. On s'est arrêté au niveau du pont de l'île verte. Ce cheminement est très intéressant car au niveau du centre-ville, on entend fortement l'Isère et le bruit de la ville, c'est-à-dire les voitures, les vélos, etc. Puis plus on remonte, plus la ripisylve, c'est-à-dire les arbres humides de la rive, sont denses et donc plus on entend les sons des oiseaux. On est alors plongé dans le paysage sonore et visuel autour de la biodiversité et on peut y deviner la présence des castors. Le bruit des voitures est toujours présent, mais étouffé, il n'est plus omniprésent. Par contre, quand on se rapproche encore plus de l'île verte, on entend de nouveau de plus en plus le bruit des voitures, il y a le pont routier qui joue un rôle là-dedans, ainsi que l'hôpital car on peut entendre des hélicoptères ou encore les sirènes des ambulances. Cet itinéraire est donc intéressant car il nous permet, comme vous l'avez dit, d'être au croisement entre l'humain et non-humain, avec un espace transitoire qui fait l'effet d'une bouffée d'oxygène où, si on tend l'oreille, on peut se concentrer presque exclusivement sur le non-humain. Très bien. Et une deuxième question me vient. Pourquoi vous êtes-vous concentré particulièrement sur les castors ? Eh bien écoutez, c'est une histoire assez improbable. En fait, nous aimons beaucoup nous balader au bord de l'Isère. Nous partons donc du centre ancien et nous prenons les chemins au bord de l'Isère, comme je viens de le dire. Un jour, par hasard, en se baladant, on a découvert qu'il y avait des castors. Cette information était indiquée sur un petit panneau. Et nous avons été stupéfaites de savoir qu'il y avait une telle faune ici, à la lisière entre la ville et une rivière qui a été tant modifiée par l'homme. Alors nous nous sommes penchés un peu plus sur cette question et sur cet espace. Nous avons découvert que les castors ont historiquement toujours été présents ici, bien qu'ils avaient presque disparu avec l'urbanisation de ces derniers siècles. Ils ont été réintroduits dans le Drac et l'Isère dans les années 90. Nous avons donc voulu chercher les traces de leur présence dans les paysages sonores et visuels. Nous avons étudié la biophonie, le son du vivant, ainsi que la géophonie, le son du non-vivant. Nous pouvons nous apercevoir que le castor est bien présent. On le voit et on l'entend. Par exemple, à travers la présence de branches qu'on entend parfois craquer, la mélodie du courant de la rivière ou encore si on écoute ce que nous chantent les oiseaux. Pour finir, j'aimerais dire que nous voulions inviter tous nos auditeurs présents aujourd'hui à prendre 3 minutes pour se poser, pour écouter, mais aussi pour comparer ce que l'on peut entendre dans les parties plus urbaines et que l'on peut entendre plus près de la ripisylve à 2 pas du centre-ville. Nous-mêmes, nous ne nous étions jamais rendus compte que l'on pouvait autant entendre les oiseaux ou la rivière et nous n'y avons jamais fait attention au fait que ces sons naturels se superposent au brouhaha de la ville avec le bruit de la circulation, du passage, etc., qui restent présents en arrière-plan. Finalement, tout ce travail, il invite à questionner la place de la nature en ville face à l'urbain et à se rendre compte de l'impact de l'humain et du non-humain dans les paysages qui nous entourent. Eh bien, ça a fait réussi. J'ai beaucoup aimé ces dualités que vous évoquez entre urbain et biodiversité. Comme vous l'avez bien dit, il y a presque un paradoxe entre les sons apaisants de la nature et avec l'écoulement de l'eau et le chant des oiseaux que l'on ne s'attend pas forcément à croiser si près de la ville et malgré tout en arrière-plan, l'incessant bruit de fond des voitures qui nous rappelle justement cette proximité avec l'urbain. Eh bien, en tout cas, merci à vous pour ce travail et pour avoir pris le temps de venir et de nous rencontrer. Merci. Le son. Maintenant, le prochain podcast nous invite à la recherche du vivant aux abords de l'Isère. Réalisé par trois artistes iséroises, Louise, Aurélie et Emma nous emmènent dans un paysage sonore qui, comme dans l'essentiel de leur projet artistique, explore notre rapport au monde, à la nature et à ce qui nous entoure. Louise, je te laisse le présenter. Bonjour à toutes. Avant de lancer l'audio, nous souhaitions vous en donner une très brève présentation. Nous ne voulons pas trop en dévoiler afin de vous laisser découvrir librement ce que vous allez entendre. L'idée est que chacun puisse se faire sa propre interprétation dans un premier temps. Nous reviendrons ensuite ensemble sur les intentions qui ont guidé notre création. Ce que nous pouvons simplement dire pour l'instant, c'est que notre travail cherche à mettre en lumière la quête du vivant dans le monde actuel. C'est parti pour l'écoute. Le son. C'est pas possible. J'ai mal à la tête. Le monde cogne. Vitesse étrangère. Tout file. Tout heurte. Tout déborde. Fuis, fuis loin, cache-toi des routes qui grondent. Le bruit me traverse, mes rafles m'épuisent. Stop, je n'entends plus rien. Respire, admire, regarde devant toi. Le vivant recommence à parler. L'eau déroule son chemin. Le paysage t'appelle doucement. Écoute. Écoute encore. Écoute. Jusqu'au silence. Merci pour cette écoute. Je suppose que tous les auditeurs et auditrices ont plein de questions à vous poser. Une première me vient, assez générale. Qu'avez-vous souhaité nous transmettre à travers cet enregistrement ? Qu'est-ce qui a guidé vos choix ? Nous avons d'abord choisi les sons en suivant une idée simple : accompagner les pas de la femme et capter ce qu'elle traverse. L'objectif était de construire un chemin sonore qui reflète sa quête, la quête du vivant ou finalement du silence. Le choix des sons s'est donc fait en fonction des lieux qu'elle traverse. Dans la première partie, nous avons volontairement capté les bruits du monde en tension, le trafic, les voix. Ce sont des sons qui écrasent, qui donnent l'impression que l'activité humaine prend toute la place. Ces enregistrements montrent que, même en entrant dans un parc, la femme n'arrive pas à trouver la sérénité. Elle fuit rapidement parce que le vivant ne s'exprime pas comme elle l'attend. Elle n'entend pas d'oiseaux, pas de souffle naturel identifiable. Pourtant, le vivant est là, mais sous d'autres formes, parfois silencieuses. Sous ses pieds, au-dessus d'elle, dans la matière même du paysage. Nous voulions créer une distinction claire entre deux phases dans l'audio. La phase de tension, où la femme cherche le vivant dans un environnement saturé par l'activité humaine, et la phase d'apaisement, où les sons naturels prennent progressivement le dessus, non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils deviennent enfin audibles, perceptibles et reconnus. Le passage entre ces deux mondes est volontairement marqué. La femme court, s'éloigne, tente d'échapper au bruit du monde pour atteindre un endroit près de l'eau, où elle peut sentir le vivant d'une manière directe et évidente. Dans la seconde partie, les sons naturels, même lorsqu'ils restent puissants, tels que le torrent de la rivière, apportent un sentiment de calme parce qu'ils ne s'opposent plus à son écoute. Notre audio met aussi en lumière un paradoxe. La femme se sent soulagée uniquement lorsqu'elle entend physiquement le vivant, alors qu'il était déjà présent auparavant, même dans son silence. Ce choix sonore permet de questionner notre rapport à la nature. Avons-nous vraiment besoin de l'entendre pour qu'elle existe ? Intéressant. Et quel rôle joue la poésie dans votre paysage sonore ? Très bonne question. Ce poème constitue l'essence même de notre réflexion et il n'est pas là par hasard. Dans notre paysage sonore, la poésie joue un rôle de médiation entre le monde extérieur et l'expérience intérieure. L'idée d'ajouter une voix n'était pas d'expliquer ou de décrire ce qui se passe dans l'audio, mais au contraire d'introduire une interprétation sensible, proprement humaine. Elle permet de montrer la transition entre deux univers sonores, d'un côté le brouhaha incessant de la ville et du monde, et de l'autre les sons du vivant, plus calmes, plus subtils, presque silencieux. Le poème accompagne ce passage, il aide à ressentir le basculement mais sans le commenter. En même temps, ce choix artistique soulève une question critique. En ajoutant une voix humaine, on montre volontairement que l'humain prend encore une fois le dessus sur les sons du vivant. La parole peut être perçue comme une figure dominante qui impose une interprétation et occupe l'espace sonore. Ce déséquilibre fait partie du message, il interroge la place de l'humain, son besoin de dire et de contrôler, même lorsqu'il prétend simplement observer. Enfin, le poème représente des pensées volatiles, parfois cohérentes, parfois intrusives, qui reflètent l'état mental du personnage. Et quels ont été vos choix artistiques ? De ce que l'on entend, l'audio semble être monté en plusieurs morceaux. Il ne s'agit donc pas d'un enregistrement continu. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette approche et ce que vous avez voulu transmettre par ce montage ? Oui, effectivement, l'audio n'est pas en continu. C'est une très bonne remarque, vous avez l'oreille attentive. C'est un choix entièrement volontaire. On a décidé de travailler en montage en superposant et en accentuant certains sons pour créer un contraste très marqué. Dès le début, on savait que notre projet allait adopter un point de vue engagé. On ne voulait pas simplement documenter un environnement sonore, mais vraiment faire ressentir quelque chose. C'est pour ça qu'on a, entre guillemets, grossi les traits des enregistrements. On a exagéré certains bruits, amplifié certaines transitions pour mettre en avant cette idée d'un monde en accélération permanente. On voulait que l'auditeur ressente presque physiquement cette montée en intensité comme un crescendo sonore où tout s'accumule, tout s'emballe. Ce mouvement, on l'a aussi traduit de manière très concrète dans le récit sonore, à travers l'accélération des pas de la femme. On commence avec un rythme régulier, puis les talons s'accélèrent, se transforment en course, un peu comme si son corps suivait la cadence du monde autour d'elle. Et ensuite, on crée une rupture nette, une décélération, un arrêt, un souffle. Ce stop n'est pas juste une pause, c'est un basculement. Le moment où le mouvement imposé s'effondre pour laisser place à une autre écoute, celle des sons du vivant, de la nature, de l'eau et des feuilles. Merci beaucoup pour ces informations captivantes et place au prochain podcast. Nous accueillons désormais Maëlys, chercheuse à l'Institut National du Son qui, à l'aide de ses deux collaboratrices Nina et Elsa, ont exploré la verticalité, écouter les sons du vivant au ras des eaux tumultueuses de l'Isère jusqu'aux hauteurs de la Bastille. Je laisse maintenant la parole à Maëlys. Merci de nous donner l'opportunité de faire découvrir notre podcast qui s'intitule « La ville par l'écoute plutôt que par le regard ». Écouter, c'est accepter la façon dont le monde prend possession de nous. Écouter, c'est arrêter, c'est prêter attention au paysage qui nous entoure, à la manière dont l'homme façonne notre environnement. Écouter, c'est aussi nous interroger sur les sons qui traversent nos paysages quotidiens. Le paysage, on l'habite, le traverse, l'admire, le photographie, mais savez-vous que le paysage murmure quand on lui prête attention ? Aujourd'hui, nous faisons abstraction de tous les sons qui composent musicalement notre quotidien, mais si on prend le temps de fermer les yeux, de se concentrer sur nos sensations, alors nous percevons des paysages sonores délaissés. Dans ce podcast, on vous emmène à la découverte d'une traversée paysagère verticale, la Bastille, que nous découvrons, ou plutôt redécouvrons, par un sens nouveau, l'ouïe. Et puis il y a cette question qui nous a guidés. Comment la verticalité façonne-t-elle le son ? La Bastille est-elle toujours ce refuge de verdure qu'on imagine, aussi serein à l'écoute qu'à la vue? Nous vous invitons à fermer les yeux, afin de nous suivre dans cette ascension grenobloise où la sonorité devient notre guide le plus sensible. Bonne écoute. Le son. Là où l'Isère nous donne à écouter son calme, la cacophonie de la ville sait se faire entendre. À 215 mètres d'altitude commence notre ascension, avec le souhait que s'évanouisse peu à peu le tumulte de la ville. De circulation partielle. Là, on a le bruit de fond, un bruit général. On avait les bruits de la vallée qui remontaient de façon très impressionnante. Ouais, le bruit qui montait. Ah oui. On disait c'est pas la peine, c'est dommage d'avoir une si belle vue puis d'entendre. Ouais. Oui, surtout qu'en fait, c'est une fatigue, comme, même si on ne fait pas attention, donc c'est quand même des bruits qui fatiguent. Hein. Ouais. À 421 mètres d'altitude, la nature s'impose face à nous. En sera-t-il autant des sons qui nous entourent ? Après, tout dépend de ce qui passe en dessous. Hein. S'il y a des motos, s'il y a des klaxons, s'il y a des ambulances, là, vous les entendez. Hein. Ouais. Et le vent. C'est le vent du sud, on l'entend le plus. Ouais. On fait abstraction après. Okay. C'est ça qui est fou, parce qu'on s'habitue en fait, au bruit. Ouais. C'est vrai. Okay. C'est vrai que ouais, ça casse un peu l'ambiance de on est au milieu de la nature et puis d'un coup il y a les sirènes de pompiers, c'est vrai. Ouais, donc c'est une forme de pollution quoi, un peu perturber des choses, peut-être les animaux, les choses comme ça. Ouais, c'est plus un beau parc que un parc vertical que. Ce parc urbain vertical, foulé jour après jour par ses promeneurs, petits et grands, par ses joggeurs au souffle court, respiration haletante, qui pour certains s'arrêtent au téléphérique, ou pour les plus téméraires poursuivent jusqu'au Montrachet, nous l'avons redécouvert. En bas, la ville impose son rythme, ce fond sonore omniprésent, qui fait désormais partie de notre quotidien. Nous partions de l'hypothèse que la brutalité cognitive de la ville s'adoucirait au fur et à mesure de notre ascension, pour que là-haut, près des neiges éternelles, ou plutôt du restaurant chez le Père Gras, le tumulte urbain s'efface pour laisser place au silence presque absolu. Mais à notre grande surprise, le sommet grenoblois s'inscrit dans un environnement encore bel et bien urbanisé. Les bruits de la ville ne disparaissent pas. Ils montent, glissent le long des parois et nous saisissent. Sirènes de pompiers, circulation continue, klaxon, là-haut encore, leurs traces sonores persistent et les sons anthropiques dominent. Sur les contreforts du Rabot, la nature peine à prendre sa place. Merci beaucoup pour ce podcast, Maïlys. Peux-tu nous en dire plus sur qu'est-ce qu'une approche sensible ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut savoir que chacun peut avoir sa propre définition et cela dépend de son objectivité. À l'Institut National du Son, nous la concevons comme une prise de conscience qui nous reconnecte avec ce qui nous entoure. L'approche sensible fait appel à tous nos sens, mais cette approche, elle sollicite également notre ressenti et nos émotions. C'est au travers du prisme sensoriel qu'est l'ouïe que nous avons construit ce podcast. Une manière, finalement, de raconter le lieu autrement, pareillement à une mise en récit du territoire. Dans votre podcast, on vous entend échanger avec quelques randonneurs. Que vous ont-ils confié à propos de la verticalité et de leur perception sonore du paysage ? Les premiers randonneurs que nous avons rencontrés étaient un couple de retraités. Ils nous ont expliqué que, marchant à deux, ils prêtaient finalement assez peu attention au son qui les entourait. Même en prenant de l'altitude vers la Bastille, ils sentaient que le bruit restait assez présent, presque omniprésent. Mais avec le temps, on finit par l'oublier. On en fait abstraction de façon tout à fait naturelle. Ils nous ont confié être attentifs en permanence au moindre bruit. Ils nous ont confié qu'être attentif en permanence au moindre bruit serait épuisant et que notre cerveau opère naturellement un tri entre ce qu'il veut entendre et ce qu'il choisit d'ignorer. Selon eux, il est primordial de faire attention aux espaces de verdure qui sont une véritable barrière au son désagréable du paysage urbain tel qu'on le connaît. Et justement, quel est le phénomène scientifique qui explique que le son monte sur les hauteurs ? Déjà, il faut savoir que le son monte, descend et s'oriente à sa guise. Pour une propagation acoustique, il faut une source et un milieu de propagation. En termes techniques, on parle de directivité de la source. Le son au rez-de-chaussée a plus de chances de rencontrer des obstacles qui vont, dans une certaine mesure, contribuer à l'atténuer ou à le masquer. En hauteur, les obstacles entre la source et soi-même se font plus rares. Le son se propage ainsi davantage vers un point en surplomb. Il est également important d'ajouter que sur le site, telle la Bastille, avec ses parois rocheuses, le son se répercute sur celle-ci et monte tel un grimpeur. Beaucoup d'autres causes sont à l'origine de ce phénomène physique, par exemple le vent, l'air, etc. Mais c'est par tous ces phénomènes de réverbération que l'ambiance sonore urbaine est perceptible jusqu'à la Bastille. Merci infiniment pour ce travail, ce fut vraiment très intéressant et très enrichissant. En effet, je n'aurais jamais pensé que le son était si présent en haut de la Bastille, je n'y prêtais pas attention. Désormais, lors de mes runnings, je tendrai l'oreille. Nous enchaînons avec le travail nommé « Saut de puce sur les ponts » mené par Camille et Zélie. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Camille, urbaniste au service paysage de la métropole Grenoble-Alpes. Bonjour Camille, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager un fragment de ce travail avec vous et avec nos auditeurs et nos auditrices. Sans plus attendre, on vous propose d'écouter cet enregistrement qui risque de beaucoup nous parler. Le son. On n'a pas tout de suite conscience que l'eau passe à ce point dans Grenoble quand on y arrive. Surtout quand on arrive à la gare de Grenoble. On ne sait pas exactement où est l'eau. Donc quand on ne connaît pas du tout la ville, en arrivant, on tâtonne un peu longtemps. Parce que quand on est piéton, je pense que c'est... Enfin, on ne se rapproche pas assez vite de l'eau quand on sort de la gare. On a plutôt tendance à rentrer un peu dans la ville. De par les rues, je pense, comment elles sont faites, ou les bâtiments, ou les arrêts de tram, tout invite à plutôt aller vers le centre-ville avant de se diriger vers l'eau à pied. Mais par contre, ce qui est assez agréable, c'est d'avoir tout un centre très piéton qui accompagne justement jusqu'à la passerelle en face de la Bastille. On découvre une vue qui est assez jolie avec les bulles. C'est là où on commence un peu à s'aventurer. Et c'est vrai que maintenant, avec le quai Perrière, c'est un espace qui est agréable à la fois à la vue, à la fois pour le bruit, quand on est loin des voitures. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de voitures qui passent. Surtout du côté rive gauche, enfin des deux côtés en fait. Rive gauche et rive droite, il y a quand même pas mal de voitures qui passent. Il y a la ville et l'eau dans un sens, et nous au milieu quand on marche, avec la ville et les bruits de restauration, et les bruits de gens qui parlent, qui rigolent. Et de l'autre côté, le flux de l'eau, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, pas du tout les mêmes bruits. Mais du coup, une oreille qui entend la ville et une oreille qui entend l'eau qui coule. Peut-être que l'Isère aussi, je me dis que je la voyais beaucoup plus large. Ouais, que c'était une rivière un peu plus agitée. Au contraire, je la trouve assez calme. Enfin, après, je pense que j'ai pas beaucoup été là dans des moments où il y a eu des inondations ou des pluies torrentielles. C'est une rivière qui a fait beaucoup de dégâts, le Drac aussi. Je dirais que peut-être que je préfère me promener même au bord du Drac. Il a une sonorité beaucoup plus torrentielle. Enfin, en passant la passerelle, enfin le pont, la passerelle là où il y a le tram qui passe. Je trouve qu'on entend tellement l'eau fort que c'est assez impressionnant. Beaucoup moins quand on passe au-dessus de l'Isère, je trouve. Il y a une bonne partie de l'Isère qui est enfermée par des digues. Il y a peu de végétation. Enfin, on voit quand même peu de végétation à ses abords. Peu de vie, au final. Toute la biodiversité qu'il peut y avoir à ses abords, très peu visible. Et du coup, pas la sonorité qui va avec. Ça vient pas stimuler ces sens-là, en tout cas. Merci pour ce podcast qui mêle ambiance sonore et témoignage. Que peux-tu nous raconter sur la démarche de ce travail, Camille ? À travers ce travail, que nous avons intitulé « Saut de puce sur les ponts de l'Isère », nous avons cherché à enregistrer le son de l'eau sur les 8 ponts qui jalonnent Grenoble à proximité directe de son centre-ville. Nos enregistrements ont été réalisés en après-midi, au mois de décembre, un jour de semaine ensoleillé, entre 15h et 16h30. Je vous propose de retracer notre parcours ensemble. Dans chacun de nos extraits, l'auditeur peut porter son attention sur le fond sonore que représente l'Isère, ponctué par la diversité des sons de la ville qui s'y superposent. Le son caractéristique du tramway qui parcourt la ville, les passants, passantes qui discutent, le son des pas, des moteurs ou des chaînes de vélo. Nous avons débuté notre traversée sonore au niveau du pont de la Porte de France. Il s'agit de l'entrée de ville d'un carrefour majeur de Grenoble où se croisent automobilistes, cyclistes et piétons. Le pont suivant, pont Marius-Gontard, accueille lui aussi les voitures, mais le trafic y est réduit. Sur ce pont, nous avons fait le choix de pointer notre micro vers un petit arbuste. Ainsi, l'auditeur peut entendre le bruissement des feuilles avec le vent qui s'accorde avec l'écoulement de l'eau. Puis, sur notre enregistrement, cette ambiance calme est troublée par un effet d'irruption caractéristique, celui de la moto qui accélère puis s'éloigne. Ensuite, nous avons parcouru le pont Saint-Laurent, un pont entièrement piéton et familier des Grenobloises et Grenoblois pour sa proximité avec les bulles. À cet endroit, les habitants et habitantes associent cette traversée et ce son marqué de l'eau avec le paysage visuel, le regard tourné vers les œufs et les contreforts de la Bastille. Le pont de la Citadelle, qui porte son nom de l'histoire militaire de la ville, sa casemate, le fort de la Bastille. Il s'agit de la départementale 590. Le pont est traversé essentiellement par des automobilistes, des bus et des autocars. L'eau et la végétation y trouvent une place particulièrement réduite. La passerelle de la Chartreuse est traversée par les voitures, mais de larges trottoirs ont été aménagés et travaillés à partir d'un revêtement en bois. Cela se ressent à l'écoute. Les sons des pas des personnes qui marchent ou courent sur les berges ou les roues des poussettes y sont amplifiés. Le pont de l'île Verte, à proximité de l'hôpital Couple-Enfant, regroupe une grande diversité de sons. On peut y entendre l'hélicoptère, mieux connu sous le nom de dragon, qui provoque un effet de mnémoperception pour les habitants et habitantes de Grenoble, habitués à entendre son triste balai, en particulier en période hivernale. Le pont accueille également des activités plus quotidiennes. La présence du tramway, ses annonces et ses bips constitue aussi un son reconnaissable qui invite les usagers et usagères à se presser et à se rencontrer. Ce pont constitue également un carrefour de rupture entre le centre-ville et les espaces plus périphériques de Grenoble, où se croisent automobiles, camions et cyclistes, essentiellement aux heures de pointe. En suivant les berges vers l'extérieur de la ville, nous atterrissons sur le pont du Sablon. Il s'agit d'un pont d'entrée dans la ville au niveau d'un espace industriel et du grand cimetière Saint-Roch. Enfin, nous voilà sur la D1090, un axe majeur d'entrée dans la ville de Grenoble, comprenant 4 voies de circulation entrante qui dirigent les automobilistes vers le stade des Alpes et 2 voies de circulation en direction de la vallée du Grésivaudan. Cet espace est caractérisé par son aspect bruyant, moteur, pneus qui se soulèvent au niveau du ralentisseur et redémarrage. Par beau temps, nous entendions également quelques automobilistes au téléphone et des sons de musique s'échappant des habitacles. Une grande promenade piétonne et cyclable longe les berges et relie ces différents ponts qui se caractérisent chacun par une ambiance sonore bien spécifique selon les usages. Le témoignage qui accompagne ces sauts de puce fait sûrement écho à tous les Grenoblois et Grenobloises. Alors explique-nous un peu ce que nous dit cette voix. Cette voix est celle d'une jeune femme de 20 ans, installée à Grenoble depuis peu. Ce témoignage présente un regard et une expérience portés sur la ville et sur le paysage. Ce partage peut parler à n'importe quel Grenoblois qui nous écoute aujourd'hui et l'inviter à s'interroger sur les promenades de l'Isère et la place de l'eau dans la ville. Il évoque les espaces de biodiversité dans la ville de Grenoble. Il compare également les flux des deux bras grenoblois, l'Isère et le Drac. Notre interviewé nous explique qu'elle ne pratique pas les deux rivières de la même manière. L'Isère est caractérisée par son aspect urbain et calme, tandis que le Drac est présenté comme un flux plus sauvage et libre. Pour elle, cela se traduit de manière très claire lorsque l'on parcourt la ville à l'oreille. Notre habitante regrette également que l'aménagement de la ville ne soit pas plus propice à la proximité avec l'eau. Effectivement, elle fait mention de la gare de Grenoble et des ruelles du centre-ville construites à l'écart de l'Isère. Elle évoque toutefois les récents aménagements du quai Perrière qui permettent aujourd'hui aux Grenoblois de s'installer sur du mobilier en bois et de profiter des abords directs de l'Isère, le temps d'une lecture, d'une discussion entre amis, d'un café. Merci beaucoup pour ces échanges. C'est très intéressant de voir la relation directe qu'on peut trouver entre aménagement, cours d'eau et ambiance sonore. Pour terminer cette balade auditive, écoutons une création de Marine, Adèle et Inès, chargées de projets, paysages et parcs urbains au sein de la métropole de Grenoble. Bonjour à toi Marine. Bonjour, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie et merci infiniment pour votre invitation. Nous te proposons d'inviter nos auditrices et auditeurs à découvrir votre étude où vous partez en quête d'espace calme à Grenoble à travers une question. Le calme est-il synonyme de silence ? Prenons une situation qui devrait parler à beaucoup d'entre vous. Il est midi, un beau soleil réchauffe les pavés, votre sandwich vous appelle et vous partez donc dehors en quête d'un endroit pour votre pause repas. Vous décidez de ne pas vous asseoir sur un banc parce qu'il est trop proche d'une route passante et vous dépassez un parc situé à côté d'importants travaux car manger à côté d'un marteau-piqueur ne vous donne pas particulièrement envie. Vous jetez finalement votre dévolu sur un petit parc tranquille et pourvu de quelques arbres. En somme, vous avez cherché pour votre pause repas un endroit calme, un lieu caractérisé par une absence d'agitation, de bruit. Un endroit propre à la détente, à la sérénité. C'est d'ailleurs la définition que nous offre le dictionnaire du mot « calme ». Mais ce parc que vous avez choisi, est-il vraiment dépourvu de bruit ? Un parc en ville peut-il être paisible ? Le calme est-il toujours synonyme de silence ? D'ailleurs, le calme est-il toujours une caractéristique positive d'un espace ? Nous allons ensemble chercher à dépasser l'opposition classique du calme associée à l'agréable et du bruit au désagréable. Pour cela, rien de mieux que de vous faire écouter un enregistrement tout droit tiré du Jardin des Dauphins, un endroit qu'on peut aisément considérer comme calme au regard de ses éléments visuels, arbres, bancs, promeneurs, mais qu'en est-il réellement de la dimension sonore ? Le son. Grenoble, Jardin des Dauphins, midi 02. C'est comme un petit refuge pour moi en fait. C'est assez calme, je me sens bien. Je regarde les gens passer, qui montent à la bassine ou qui descendent. C'est tranquille, des fois on entend les oiseaux qui chantent. Et puis on n'entend pas trop la route aussi, c'est sympa ici. En plus là je suis au soleil, c'est assez agréable. J'ai l'impression d'être un peu dans la nature quoi, alors qu'on est juste au pied de Grenoble. C'est facile d'accès en public, c'est assez agréable. Grenoble, Jardin des Dauphins, 19h32. J'avoue que ce parc m'angoisse un peu la nuit. C'est sombre, c'est un peu trop calme, on n'entend pratiquement rien, ça fait un peu vide. Du coup, je passe vite, je m'y arrête pas. Franchement, il n'y a pas grand monde le soir. Comment dire, c'est désert, c'est sans vie, quoi, ça fait peur. Revenons sur cette pause méridienne. Une halte physique de la ville, mais une envie de se retrouver dans un lieu calme. Un bruit blanc du tumulte des berges de l'Isère se fait entendre comme une toile de fond. Le son des coureurs, des oiseaux, du vent dans les feuilles et des jappements des chiens mettent en exergue la notion de calme sans silence. Un calme qui ne serait pas un repos sonore total, mais plutôt un espace de tranquillité et d'apaisement où Louis reste éveillé. Le silence n'est donc pas continu, mais le calme règne, comme le met en avant le jeune homme interrogé sur un banc. Qu'en est-il du sens auditif dans ce parc à la tombée de la nuit ? La nuit n'étant pas la toile de fond, mêlant l'agitation des voitures, des berges et le vent dans les arbres, au contraire, elle l'accentue, dans son interprétation par le vide des sons et du vivant entendu durant la journée. La nuit se vide et ne laisse que le son continu d'arrière-plan. Celui-ci n'étant pas désagréable, est cependant cause d'une atmosphère dérangeante, voire même oppressante, dans la pénombre de la nuit. Le son devient ainsi cause de fuite, ou du moins d'une marche rapide, comme le raconte notre rencontre avec cette jeune femme. Pour Élise Glaser, maîtresse de conférences en architecture du paysage à l'Institut Agro d'Angers, on peut distinguer une échelle de qualité sonore. En effet, dans sa thèse « Élaboration d'une méthode de qualification du paysage sonore », le cas des quartiers durables allemands Kreuzberg et Vauban, elle explique que le calme est ainsi porté par une distinction entre le calme positif, proche du ressourcement, de la tranquillité, qui est fortement liée à la nature et au lieu de retraite, et le calme négatif, ou excès de calme, lié au vide spatial et à l'absence humaine, ainsi facteur d'ennui ou d'angoisse. Un même espace peut donc être à la fois un environnement de tranquillité et d'angoisse par le sens auditif. Le changement de son entre le jour et la nuit est minime, mais son interprétation est bien plus forte pour les personnes qui le vivent. Le silence total est inexistant, mais un bruit blanc s'écoute tout au long de nos enregistrements, réalisé à deux temporalités distinctes. Alors Louis, ne suffirait-elle pas à comprendre un paysage sonore ? La perception des sons et la place que nous lui donnons dans l'environnement qui nous entoure jouent de la temporalité ou de la configuration de l'espace. La journée, les sons vivent alors que la nuit, ils s'apaisent. Mais l'obscurité n'est pas dénuée de vibrations et finalement c'est l'interprétation qu'on en a qui fait naître un calme positif ou négatif. Un lieu dit calme, par son paysage sonore, est donc dépourvu de silence complet. Il oscille en fonction de notre perception et de la temporalité. Je me rends compte finalement qu'au travers de ces différents podcasts, en ville, rien n'est silencieux. La ville dégage une ambiance singulière, reconnaissable dès que nous y prêtons attention. La notion de calme en urbanisme ne devrait pas être négligée. Nous avons pu entendre des oiseaux dans votre enregistrement. Pourrais-tu nous parler de la petite faune du parc ? Oui, nous avons effectivement eu le plaisir de pouvoir s'immerger dans l'habitat de nombreux petits êtres vivants. En revanche, il nous a fallu demeurer de longues minutes silencieuses avant que les oiseaux se montrent. Ce constat souligne que le seuil de résistance au son est variable selon les espèces. Nous trouvions l'ambiance sereine, mais notre agitation en arrivant a dérangé la petite faune du parc. Au-delà d'apprécier l'ambiance calme du parc, nous avons donc également nous-mêmes dû faire preuve de calme pour s'immerger dans ce paysage. Merci à toutes et à tous pour ces belles découvertes sonores. Je pense que désormais nous percevons tous notre environnement d'une autre oreille. On vous retrouve avec de nouveaux invités pour un prochain podcast sur le thème de l'odorat. À la semaine prochaine!